Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans des documents qui nous emmènent en Sicile, sur les traces d'un mot Cruciferi. Les crucifères, oui. En lisant ces notes, on a vraiment l'impression de se préparer pour une visite, un vrai voyage architectural. C'est exactement ça. Et ce qui est fascinant, c'est que les sources nous guident non pas vers un, mais bien vers deux lieux, deux joyaux du baroque sicilien. Ah, donc ce n'est pas un seul site. Non. On va explorer une rue monumentale à Catane et puis une église, une seule, mais très riche, à Palerme. Notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre ce qui les unit et ce qui les rend si différentes. Alors, partons à Catane, la fameuse Via dei Crociferi. Les notes la décrivent comme un chef-d'œuvre né après le terrible tremblement de terre de 1693. Absolument. C'est un véritable théâtre à ciel ouvert. Et le mot n'est pas trop fort, hein. L'urbanisme baroque, c'est ça, créer des scènes spectaculaires. D'accord. Imaginez-vous, sur à peine 400 mètres, on enchaîne les façades. On passe sous l'arche de San Benedetto, on découvre l'église du même nom, puis juste après, San Francisco Borgia. Pardon de vous couper, mais quatre églises sur une distance si courte, c'est énorme. Ah, mais c'est une excellente remarque. On dirait presque une compétition, non? Oui, voilà. Une sorte de compétition entre les ordres religieux pour avoir la plus belle vitrine sur la rue la plus prestigieuse. C'est tout à fait ça. Il y avait clairement une volonté d'affirmer sa présence, son pouvoir, surtout dans une ville en pleine reconstruction. Chaque église, c'est un acte de foi gravé dans la pierre. Et après San Francesco Borgia? Alors après, on tombe sur la magnifique façade toute en courbe de San Giuliano, une merveille. On pense qu'elle est de Vaccarini, qui était un peu l'architecte star de l'époque à Catane. Sa signature, c'est ce mouvement, cette théâtralité. Donc à Catane, on a cette vision d'ensemble, une rue entière. Est-ce qu'on trouve ça à Palerme avec l'église Santa Ninfa dei Crociferi, ou est-ce complètement autre chose? Ah, c'est une expression totalement différente. À Palerme, tout se concentre sur un seul édifice. Sa construction a commencé bien avant, en 1601. Bien avant le séisme de Catane, donc. Oui. Et le fondateur de l'ordre, Camille de Lellis, était là pour la pose de la première pierre. Mais l'extérieur, aussi impressionnant soit-il, n'est qu'un avant-goût. Le vrai trésor, il est à l'intérieur. Alors, entrons. Qu'est-ce qui frappe en premier? Le regard est tout de suite attiré par les œuvres d'art. Les chapelles abritent des sculptures du grand maître du stuc, Giacomo Serpota. Mais le clou du spectacle, c'est en levant la tête. La coupole? On croit voir une immense coupole, mais ce n'est qu'une illusion. Comment ça, une illusion? Une fausse coupole? On pourrait penser que c'est une solution un peu facile, non? Pour des raisons de budget, peut-être. Pas du tout. En fait, c'est tout l'esprit baroque. Ce n'est pas une question d'économie. C'est un jeu avec le spectateur, une démonstration de virtuosité. Ah, d'accord. Créer cette illusion d'optique parfaite peinte en trompe-l'œil au XIXe siècle, c'était un vrai tour de force. L'effet est stupéfiant. La première fois, on est convaincu qu'elle est réelle. Il faut vraiment bouger, se décaler pour que l'illusion se brise. C'est un art qui joue avec nos sens. C'est fascinant. On a donc au même endroit des chefs-d'œuvre de sculpture, des illusions d'optique, et même, d'après les notes, les tombes de personnages importants comme l'architecte Paolo Amato. Oui, l'église est aussi un lieu d'histoire, un véritable condensé. Alors si on résume cette visite, les sources nous ont révélé deux facettes très différentes des crucifères. À Catane, une œuvre collective, presque un projet urbain, né d'une catastrophe. C'est ça. Et de l'autre, à Palerme, un joyau unique, poli par des siècles de dévotion et d'art. Exactement. Et ça nous laisse avec une question, je trouve, pour prolonger la réflexion. Laquelle? Comment un ordre religieux dont la mission première était de soigner les malades a-t-il pu devenir un bâtisseur aussi influent? Comment a-t-il pu façonner de manière si puissante et si distincte le paysage des deux plus grandes villes de Sicile? Ce n'était plus seulement un guide spirituel. Mais un véritable acteur de la cité.